Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des grandes enquêtes sociales, hygiénistes, anthropologiques ou encore royales. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les grandes enquêtes sociales du 19e siècle. Après avoir écouté lundi les analyses du sociologue Christian Topalov sur les grandes enquêtes de Paris, de Londres et de Chicago au XIXe siècle, puis suivi le retour dans le village bourguignon de Minot de l'anthropologue française Françoise Zonabend, qu'il avait fréquenté assidûment il y a 40 ans pour une grande enquête du laboratoire d'anthropologie sociale. C'était un documentaire à réécouter sur notre site de Séverine Yatar et de Véronique Samouilov. Et avant demain de vous parler des grandes enquêtes royales du Moyen-Âge, nous allons ce matin nous arrêter sur le fiévreux XIXe siècle qui oscille entre révolution sociale et transformation industrielle, et sur ceux qui, dans ce siècle, le 19e, donc, ont tenté de comprendre la société. Avec Séverine Yatar, qui a préparé cette semaine avec nous, et grâce à des textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui ce matin, nous avancerons dans ce thème en compagnie d'Isabelle Lespinet-Moret. Elle est maître de conférence à Paris-Ouest Nanterre. Elle a soutenu une habilitation à diriger des recherches sur l'Organisation internationale du travail. Et avec Vincent Vier, elle a travaillé à un livre qui s'appelle L'OIT, Origine, Développement et Avenir, publié aux presses universitaires de Rennes. Elle est également à l'origine avec d'autres du séminaire Enquête ouvrière de l'École des hautes études en sciences sociales. Et avec nous également, quelqu'un qui travaille depuis très longtemps sur ce 19e siècle social, Antoine Savoy. Il est professeur émérite à Paris 8 et il dirige actuellement la publication du semestriel Les études sociales. Bonjour Séverine Yatar. Bonjour. Bonjour à vous Antoine Savoy. Bonjour. Et bonjour Isabelle Lespinet-Moret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour cette émission d'archives, où nous aurons donc des textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui. Alors Antoine Savoy, pourquoi le 19e siècle quand on parle des enquêtes sociales ? Parce que il y a un tournant qui de ce point de vue s'opère on peut dire avec la monarchie de Juillet, c'est-à-dire que désormais les nouvelles forces au pouvoir veulent aller vers une politique, une gestion de la société qui serait plus éclairée. Et éclairée par quoi ? Éclairée précisément par des enquêtes, c'est-à-dire lorsque des questions qu'on dirait aujourd'hui sociétales se posent, le travail des enfants, la question de l'obligation scolaire, comment décider ? Dans quel sens ? Eh bien, que les gouvernants s'appellent Guizot ou Martin du Nord, ils promeuvent des enquêtes, qui sont des enquêtes à caractère administratif. Ce sont leurs administrations qui les entreprennent. On pourra donner des détails. Et il y a vraiment tout un mouvement en faveur de l'enquête qui part de l'appareil d'État. Oui, mais c'est curieux. Il n'y a pas de génération spontanée de cette idée de l'enquête. C'est quoi ? C'est la révolution qui a bousculé les choses ? C'est la question de la mesure, et donc de la mesure de la société, comme on mesure les litres de lait ou les litres d'eau, ou comme on mesure les mètres, qui, d'une certaine façon, s'est appliqué à la société dans cette première moitié du 19e siècle, oui, ou c'est autre chose ? Il y a ça, sûrement, mais il y a aussi déjà quand même des habitudes qui sont un peu ancrées depuis la... au moins depuis la Révolution française, dans l'administration, de procéder à ce type d'enquête. Il y a eu l'enquête qui a été, si on peut dire, diligentée par Chaptal, que Marie-Noëlle Bourguet a étudiée. Et puis, plus près de la monarchie de Juillet, sous la Restauration, il y a un modèle d'enquête qui n'a pas exactement le même objet que les enquêtes sociales dont nous parlons ce matin, qui sont les enquêtes économiques. Et ça, c'est, par exemple, sur des questions, faut-il aller vers... plus de libre-échangisme, abaisser les droits de douane, etc. Il y a des enquêtes que le nouveau ministère du Commerce met en place, souvent, si on en vient au détail, souvent sous forme d'audit, mais à partir d'un questionnaire aussi. Et ça sous-entend bien, Antoine Savoy ou Isabelle Lespinet-Moret, qu'il y a aussi la question de l'industrialisation, évidemment, qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'il y a aussi une nouvelle classe sociale qui explose, des besoins en main-d'œuvre. des nécessités économiques qui font que il faut qu'on étudie parce qu'on parle d'enquête sociale hein, donc cette classe sociale aussi Isabelle Lespinet-Morin. Les enquêtes d'État datent d'avant la Révolution bien sûr hein, mais effectivement au 19e siècle vers 1830-40 il y a tout d'un coup un bond en avant de ces enquêtes qui est commandé par une nécessité sociale, c'est-à-dire que l'industrialisation a complètement bouleversé les relations sociales, les solidarités traditionnelles et les enfants au travail notamment. Et donc, il y a une question sociale qui se pose, qui hante tout le 19e siècle et qui est vraiment le moteur, je pense, de ces enquêtes sociales. Et la question de la rationalité ou de la rationalisation de la société aussi, Isabelle Lespinet-Morin. Oui. Il y a cette idée qui va aller en se développant d'observer pour pouvoir comprendre et pouvoir Et contrôler. Et contrôler. Vous voilà. Vous évoquiez tout à l'heure Antoine Savoie les enquêtes en particulier diligentées par le gouvernement. Il en est une, celle de 1833, l'enquête de Guizot sur l'instruction publique primaire. Vous nous présentez très brièvement cette enquête en l'occurrence. C'est une enquête qui, curieusement, intervient postérieurement au vote de la loi. Donc là, on est dans la démarche inverse de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire une décision éclairée par une enquête. L'enquête, en fait, a eu lieu après le vote de la loi, qui, comme vous le savez, a institué une généralisation de l'instruction primaire en France. Et Guizot, après avoir fait passer sa loi, semble se poser la question, mais au fait, où en est-on en France de cette instruction primaire ? Il faudrait peut-être le savoir. Et il lance une vaste enquête. Question que messieurs les inspecteurs auront à résoudre sur chaque école, lue par Nathalie Canouy. L'instituteur est-il logé ? La commune lui fait-elle un traitement fixe ? Quel en est le montant ? L'instituteur jouit-il de quelque autre traitement, comme secrétaire de mairie, chantre ? L'école est-elle entièrement gratuite ou bien n'y admettons gratuitement que les enfants indigents ? Quel est le nombre de ceux-ci ? À quel âge les enfants sont-ils admis à l'école ? Quel est le nombre moyen des années qu'ils y passent ? Quel est le nombre des élèves ? En hiver ? En été ? Quelle est la méthode d'enseignement suivie dans l'école ? Nom et prénom de l'instituteur ? Son âge ? Est-il nécessaire ? Était-il célibataire, marié ou veuf ? S'il est marié ou veuf ? A-t-il des enfants ? Quel en est le nombre ? L'âge ? Le sexe ? Sont-ils à sa charge ? Est-il exempt de toute violence, de tout emportement ? S'abstient-il toujours de frapper les élèves ? Fait-il remarquer en lui quelques défauts ? Indiquer les communes où les instituteurs se réuniraient en conférence et où existerait une bibliothèque contenant des livres d'instruction primaire. Texte de 1833, l'enquête Guizot sur l'instruction publique primaire, Séverine Yatard. Antoine Savoie, oui, cette enquête diligentée donc par Guizot, elle va nécessiter un certain nombre, je crois 500 inspecteurs. Mm-hmm. Donc c'est une manière de couvrir la France, évidemment, d'enquêteurs. Et sa particularité aussi, je crois, c'est qu'elle va s'intéresser, par exemple, on l'a entendu dans le texte, à la vie entre guillemets privée, quotidienne, des instituteurs, la moralité peut-être d'eux. Il n'y a pas que la question de leur diplôme, de leur formation, par exemple. Exactement. Il y a dans le questionnaire de l'enquête, là on vient de l'entendre, énormément de préoccupations qui sont un peu mélangées, brassées. Par exemple, la question sur les méthodes pédagogiques, mais aussi sur, comme vous l'évoquez, la moralité, pourrait-on dire, de l'instituteur, son statut familial, etc. Et donc, l'enquête, c'est comme un chalut, elle a beaucoup, beaucoup ramassé de renseignements. Il n'est pas certain que l'administration ait su les utiliser, ait eu besoin de tous ces renseignements, mais en fait, par un système pyramidal qui serait un peu long à décrire, partant de la base, remontant au niveau des rectorats, puis in fine, à l'administration sociale, centrale du ministère de l'Instruction publique, il y a une foule de renseignements qui ont été consignés et qui ont donné lieu à une sorte de rapport de synthèse. On apprend en marchant, d'une certaine façon, aussi, dans ces enquêtes, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien comment les faire, il n'y a pas encore de méthodologie très précise. Isabelle Lespinet-Moret, comment tout cela se met-il en place, au bout du compte? C'est peut-être aussi pour ça que ces enquêtes sont aussi larges, c'est parce qu'on ne sait pas encore très bien ce que l'on va chercher, et on n'a pas encore tout à fait compris ce qu'il fallait voir dans la société en question. Oui, enfin là, il y a quand même, pour Guizot, il y a quand même un objectif précis. Alors après, effectivement, avec le système pyramidal, l'enquête peut prendre un peu des libertés en fonction des enquêteurs sur place, sur le terrain. Je pense aux enquêtes menées par Villermé, qui se place dans un autre cas de figure, puisque l'enquêteur va se rendre lui-même sur les lieux, et donc avec l'idée, avec quand même des idées avant de partir, sur ce que sont les ouvriers, ce qu'est la ville, ce qu'est le travail industriel. Peut-être vous présenter justement Villermé, parce que qui sont ces enquêteurs? Alors là, on a l'enquête Guizot, c'est l'État. La Villermé, ce n'est pas l'État. Villermé enquête pour l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une institution qui a diligenté... faciliter ou diligenter beaucoup d'enquêtes, faciliter parce qu'il y avait un prix qui couronnait ces enquêtes, et beaucoup de libéraux, Villeneuve-Bargemont, Moreau-Christophe, Villermé, ont donc enquêté sous cette tutelle. Alors, Louis-René Villermé, tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, en 1840, l'introduction lue par Nathalie Canouille. Il me fallait examiner les effets de l'industrie sur ceux qu'elle emploie, interroger la misère sans l'humilier, observer l'inconduite sans l'irriter. Cette tâche était difficile. Eh bien, j'aime à le dire, partout des magistrats, des médecins, des fabricants, de simples ouvriers se sont empressés de me seconder. Avec leur aide, j'ai pu tout voir, tout entendre, tout connaître. Ils m'ont, comme à l'envi, fourni des renseignements. J'en ai demandé, j'en ai surpris. Et tel est le soin que je désirais mettre à cette enquête, que j'ai suivi l'ouvrier depuis son atelier jusqu'à sa demeure. J'y suis entrée avec lui, je l'ai étudié au sein de sa famille, j'ai assisté à ses repas. J'ai fait plus. Je l'ai vu dans ses travaux et dans son ménage. J'ai voulu le voir dans ses plaisirs, l'observer dans les lieux de ses réunions. Là, écoutant ses conversations, m'y mêlant parfois, j'ai été, à son insu, le confident de ses joies et de ses plaintes, de ses regrets et de ses espérances, le témoin de ses vices et de ses vertus. Une scrupuleuse exactitude était d'autant plus indispensable que l'ignorance et l'esprit de parti ont répandu de graves erreurs sur les ouvriers de nos manufactures. Or, comme il m'arrive de soutenir des opinions contraires à celles que beaucoup de personnes adoptent consciencieusement et que beaucoup d'autres défendent par calcul, c'était pour moi un devoir rigoureux de décrire les faits tels que je les avais vus. Malgré tout le soin et toute la conscience que j'ai mis dans mes recherches et que je mettrai à les exposer, des accusations pourront encore s'élever contre moi. On ne saurait toucher aux préjugés et aux intérêts des hommes sans exciter leur passion. Peut-être aussi trouverai-je des défenseurs dans les préjugés et les intérêts contraires. Mais de cette controverse qui doit conduire à mieux éclairer les faits, il ne pourra sortir que des vérités nouvelles et utiles. Un extrait de Louis-René Villermé, le tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, 1840. Tout compte fait, moi qui suis un grand lecteur de romans policiers, je me souviens que dans ces années 1840, naît le roman policier. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre, Edgar Poe écrit ses premiers textes sur la rue Morgue et le double assassinat, je crois que c'est en 1844 ou 47. Enfin, en tout cas, c'est dans la même période qu'on s'inquiète effectivement de ces villes qui produisent souvent de la déchéance et du crime. En tout cas, c'est comme ça qu'on les voit. Et de l'autre côté, que les grandes enquêtes sociales se montent. Je ne dis pas qu'il y a un rapport, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire, Antoine Savoie, justement, de cette inquiétude aussi sur la société, pourrait-on dire, qui est à l'origine de ces grandes enquêtes? Inquiétude, certes, mais aussi désir d'en avoir une vision beaucoup plus objective. Et en cela, on peut penser que Balzac est allé plus loin qu'un certain nombre d'enquêteurs sociaux. Et aujourd'hui, si on a envie de connaître la société de la période que nous évoquons, 1830-1840, peut-être qu'il faut lire les auteurs que vous dites, Emmanuel, mais qu'il faut aussi lire et relire Balzac. Donc il y a un désir vraiment de recueillir le fait positif, c'est le terme qui est généralement employé, pour aboutir à une sorte de regard plus objectif sur la société. Un devoir rigoureux de décrire les faits tels que je les avais vus, écrit Villermé dans son introduction. Parce qu'il faut dire que Villermé, il est médecin de formation. Il a fait une étude juste avant sur le choléra, je crois, qui a quand même décimé une bonne partie de la population et d'autant plus les ouvriers, voilà, 1834. Donc il y a la question démographique aussi, j'imagine, qui rentre en ligne de compte. Et puis il faut dire que c'est à la suite quand même de ce tableau de l'état physique et moral des ouvriers qu'une loi va être votée sur la question du travail des enfants. Isabelle Lespinet-Moret. Donc là, on s'intéresse effectivement à l'effet de l'enquête. Dans le texte que vous venez de nous lire, on sent vraiment le bourgeois qui traverse la ligne infranchissable sociale et qui va donc dans les milieux ouvriers, pour pas dire les bas-fonds. Et on pourrait aussi penser à Eugène Sue. Et à Dominique Khalifa qui a travaillé sur ces bas-fonds du 19e siècle. Et à propos de l'efficacité de l'enquête, effectivement, l'enquête de Villermé débouche sur une prise de conscience dans les élites, dans les milieux de gouvernement. Et cette prise de conscience, elle était déjà aussi un peu alertée par la société industrielle de Mulhouse, c'est-à-dire par les industriels eux-mêmes, qui craignaient la concurrence finalement. Enfin, qui voulaient protéger leur concurrence et surtout qui craignaient une dégénérescence de la race, comme on dit à ce moment-là, en faisant travailler les enfants, en abusant de ce travail des enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une remise en question du capitalisme et du système capitaliste, pas du tout. Pas. Parce que même Villermé décrit la promiscuité, le travail dans les ateliers, l'insalubrité des logements, mais il décrit aussi la non-moralité des ouvriers, l'alcoolisme, la prostitution. Oui, c'est-à-dire que, effectivement, ce sont des libéraux qui ne remettent pas en question le gouvernement, enfin le système politique et social, mais qui voudraient l'aménager. Enfin, mais tout de même, vous m'avez expliqué juste avant cette émission, Antoine Savoie, que ceux qui veulent remettre en cause ce système, et en particulier un certain Friedrich Engels, à la même époque, mènent une enquête aussi. Absolument. C'est-à-dire, lorsqu'on a évoqué à l'instant l'Académie des sciences morales et politiques, qui a été refondée en 1832. On est vraiment dans la période où les enquêtes décollent. C'est un nouvel acteur collectif qui génère de l'enquête. On l'a évoqué avec Villermé. Mais progressivement, il va y avoir d'autres acteurs, individuels ou collectifs, qui vont apparaître sur cette scène. Et ce que, Emmanuel, vous venez d'évoquer, moi, je les range plutôt du côté des enquêtes militantes. C'est-à-dire que parce que les ouvriers eux-mêmes ne sont pas militants. Ce dont on parle, Villermé, vous ne le considérez pas comme un militant d'un certain style. Oui, il est un militant de la réforme parce que il faut quand même souligner que c'est... Il concourt à la limitation de la durée du travail des enfants, etc., sur la question de l'âge à partir duquel ils peuvent être employés. Donc c'est un militant réformateur. Mais il y a des militants, disons, plus radicaux. Révolutionnaires. Révolutionnaire, peut-être. 1848, oui, vous donne raison. Mais dans les années 1840, les qui précèdent, sont-ils révolutionnaires? Sans doute. Je peux nommer évidemment les ouvriers qui se sont regroupés autour d'un journal qui s'appelle L'Atelier, qui paraît à partir de 1840, et qui veulent faire des enquêtes parce qu'ils pensent qu'ils sont, eux, les ouvriers les plus à même pour décrire leurs conditions, et beaucoup mieux que les bourgeois, que leur envoie en quelque sorte l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est ce que prendra Marx d'ailleurs plus tard dans son enquête de 1880, en disant que seuls les ouvriers peuvent eux-mêmes enquêter, parler d'eux-mêmes d'une certaine manière. D'une certaine manière, Marx se rallie tout à fait à cette position. On a ce document extraordinaire, là on fait un saut dans le temps, mais 1880, Marx, pour la revue socialiste de Benoît Malon, produit un questionnaire de 100 questions grâce auquel on va pouvoir faire une véritable radiographie du travail et de la consommation ouvrière. Et c'est à faire par les ouvriers eux-mêmes. On voit bien, en l'occurrence, Isabelle Lespinet-Moret, qu'il y a deux façons de lire la société, d'une certaine façon, dans cette période-là. Au moins deux façons, il y en a sûrement plus que deux, mais Antoine Savoie vient de nous en écrire deux, c'est-à-dire effectivement d'un côté, au milieu des années 1840-1850, d'un côté une vision réformiste et de l'autre côté une vision peut-être plus radicale, disait-il, qui est celle de ceux qui vont devenir ensuite marxistes ou socialistes, en l'occurrence Isabelle Lespinet-Moret. Oui, et puis dans cette deuxième catégorie, il y a des médecins comme Ange Guépin à Nantes, hein, qui fait une statistiques et une topographie de la ville ouvrière avec l'idée socialiste derrière la tête, tout comme Flora Tristan, par exemple. Ouais. Et donc, ces personnages-là sont des personnages... sont du côté de la Révolution. De la Révolution. Et alors, du côté de la Réforme, pourrait-on dire, quelqu'un dont la plupart des Français n'ont découvert l'existence que en 1996, au moment de la mort de François Mitterrand, dans la rue qui porte son nom, l'avenue qui porte son nom, Frédéric Leplay. Donc, généralement, peu de gens le connaissaient, ce Frédéric Leplay. Qui est-il, ce Frédéric Leplay, dont on va lire un extrait de texte de l'instruction sur la méthode d'observation dite des monographies de famille, propre à l'ouvrage intitulé « Les ouvriers européens », un texte de 1862, Antoine Savoie. Alors, Frédéric Leplay, donc, est né en 1806, c'est un ingénieur des mines. Au moment où il élabore sa méthode d'enquête, il est professeur à l'école des mines. Il a l'occasion, pour son œuvre professionnelle de métallurgiste, de voyager en France et dans toute l'Europe. Et c'est l'occasion pour lui à la fois de perfectionner sa méthode et de l'appliquer en étudiant la condition ouvrière des pays européens. Remarque préliminaire sur l'étude des faits sociaux et sur la méthode des monographies de famille, lue par Nathalie Canouille. L'observation directe des faits peut seule, en matière scientifique, conduire à des conditions et des conclusions rigoureuses et les faire accepter. Ce principe admis aujourd'hui pour les sciences physiques est encore méconnu pour la science sociale. La science sociale est restée dans la situation où se trouvaient les sciences physiques lorsqu'elles se fondaient sur les conceptions de l'astrologie et de l'alchimie. Elle ne sera définitivement constituée que lorsqu'elle se fondera sur l'observation. Mais en matière sociale, le champ de l'observation est vaste. On s'y égare infailliblement quand on s'y engage sans guide. La méthode décrite dans la présente instruction fournit un fil conducteur. Cette méthode consiste, premièrement, à fonder l'étude des populations sur celle de quelques familles judicieusement choisies appartenant à la classe ouvrière. Secondement, à décrire ces familles d'après un cadre déterminé et uniforme. Voyant dans la famille la véritable unité sociale, elle procède comme le zoologiste qui, pour décrire une espèce vivante, applique à quelques individus de cette espèce les propriétés d'investigation de l'anatomie et de la physiologie. Elle recherche les lois de la science sociale dans les cas les plus simples, sauf à apprécier les influences qui les modifient dans les cas plus complexes. Un extrait de l'introduction, donc, sur l'instruction sur la méthode d'observation dite des monographies de famille de Frédéric Leplay rappeler un texte de 1862, Séverine Yatard. Oui, Antoine Savoie, cette grande étude sur les ouvriers, en fait, il l'a publiée en 1855, hein, Frédéric Le Play, oui. Il y revient et c'est à ce moment-là, donc en 62, qu'il écrit une sorte d'introduction méthodologique sur comment faire une enquête. Alors, à la fois pour mettre en place, hein, j'imagine, sa méthodologie, et puis aussi former ses propres enquêteurs. Absolument. Parce que bien sûr, on n'en a pas parlé, mais ils ne font pas ces enquêtes tout seuls. Il y a des gens, évidemment, un collectif qui travaille à ces enquêtes. Absolument. Vous avez entendu dans le texte que là, on n'est plus exactement dans l'enquête sociale, on est dans l'enquête de science sociale. L'ambition scientifique est clairement affirmée par un ingénieur des mines qui, évidemment, a la formation scientifique et technologique la plus avancée quasiment de l'époque. Et en ce qui concerne cette instruction, elle est à rapporter au fait que Le Play a créé une association, une société savante, comme on disait à l'époque, en 1856, et que cette société savante se donne pour but de réaliser des enquêtes selon la méthode que lui-même a décrite en 1855. Et le texte dont nous avons entendu un extrait est une sorte de guide d'enquête, quelque chose qui condense un peu ce qu'il a pu énoncer de manière extrêmement détaillée dans Les Ouvriers Européens, afin que ce soit une sorte de viatique pour les enquêteurs travaillant selon sa méthode. Oui, il faut rappeler, Isabelle Lespinet-Moret, que nous sommes dans un grand moment d'internationalisation. C'était évoqué tout à l'heure par Antoine Savoie, que nous sommes en plein milieu des grandes expositions universelles qui se rassemblent soit en Angleterre, soit en France, soit dans d'autres pays d'Europe, et que c'est aussi l'occasion pour que ces expérimentations sociales circulent d'une certaine façon. Il y a une grande circulation des idées dans ces années 1850, 1870 ou 80, et il y a peut-être aussi nécessité de créer des sortes d'écoles, et c'est ce que va fonder Frédéric Le Play avec tous ceux qui travaillent avec lui. Oui. Alors, il y a des expériences parallèles déjà. Hein. Par exemple, Chadwick, en Angleterre, dans les années 1830, mène des enquêtes qui sont reliées typiquement avec des réformes, que ce soit le travail des enfants, les pauvres ou les villes, hein, la municipalité. Et dans les années 50-60 et au-delà, effectivement, les expositions universelles sont des moments intenses d'échanges et d'échanges entre scientifiques, entre politiques, et parce que bien souvent, ces expositions universelles sont accompagnées de congrès. Hein, congrès de statisticiens, congrès d'hygiénistes, congrès sur les accidents du travail, etc. Et donc, il peut être échangé à cette occasion des procédés d'enquête ou des pistes. Comment fait-on école dans ces années-là, justement? Et comment crée-t-on, d'une certaine façon, une école, Antoine Savoie, autour de soi? Mais il a un salon, hein, je crois, Frédéric Le Play, il monte aussi un salon. Ah, son fameux salon de la place Saint-Sulpice. Mais là, il ne l'a pas encore. C'est plus tardif. C'est lorsque, notamment, en 1867, on évoquait les expositions universelles. Il sera le commissaire général de l'expo de 67 qui va avoir un grand retentissement et donc énormément de visiteurs vont être attirés à la fois par l'exposition et détournés pour un certain nombre d'entre eux dans son salon social comme on l'a évoqué. Non, mais précédemment à l'existence de ce salon, cette société se réunit comme un équivalent de l'hôtel des sociétés savantes qui existait autrefois rue Serpente. Et donc là, c'est un petit peu le modèle académique. Il y a un certain nombre de séances de travail dans l'année, environ des séances qui sont au nombre de 8 à 10 par an, où se rassemblent les membres de la société, qui s'appelle Société internationale des études pratiques d'économie sociale, et ils se réunissent pour entendre un rapport qui est fait sur une enquête qui a été réalisée selon les principes et les canons de la méthode de Le Play. Alors, en même temps, Antoine Savoie, bon, alors, Le Play, on l'a pas dit, mais politiquement, il se revendique plutôt de tradition contre-révolutionnaire, traditionnaliste. Puis, en plus, il va être réapproprié, enfin, repris par, justement, un petit peu, l'extrême droite, hein, faut bien le dire, Maurras, par exemple. Bon, plus tard, hein, évidemment. Mais, en tous les cas, pour traiter de cette question de dans quelle mesure Le Play, on peut dire, est déjà un sociologue, ou enfin commence à mettre en place une science qui s'appellerait la sociologie, avant que Durkheim, bien plus tard, évidemment, arrive et avec son école. Alors, premier point, sociologie n'est pas un mot qu'il revendiquait. Lui, c'est la science sociale. Deuxième point, il réalise lui-même ou avec des collaborateurs ou fait réaliser par d'autres un grand nombre d'enquêtes, ce qu'on appelle couramment les monographies de famille ouvrière. En 1880, Le Play meurt en 1882. En 1880, il y a déjà une centaine d'enquêtes qui ont été réalisées et publiées, ce qui veut dire qu'il y en a eu beaucoup plus de réalisées, mais qu'elles n'ont pas toutes été publiées. Sur la base de ces enquêtes, Le Play va tirer ce qu'il appelle des inductions, ce que nous on appellerait peut-être plus couramment des conclusions et des prescriptions normatives, et ça va être contenu dans un ouvrage qu'il publie 9 ans après Les Ouvriers Européens, La Réforme Sociale en France, en 1864. Ça, c'est en quelque sorte les conclusions presque de doctrine sociale qu'il tire des enquêtes. Donc il faut en quelque sorte à la fois articuler les conclusions et les enquêtes, mais les distinguer dans son œuvre. Oui, ça donne des idées à qui, d'une certaine façon, en l'occurrence Isabelle Lespinet-Moré. Ça inspire profondément les enquêteurs de l'Office du Travail. Hein, donc l'Office du Travail est une petite administration qui date de 1891 et qui est près du ministère du Commerce et dont l'objectif est de rassembler de l'information, collecter, puis enquêter sur le travail, les conditions de travail, la production, les relations sociales, les grèves, etc. Et c'est parmi ces enquêteurs, il y a Pierre Dumas-Roussem qui est un disciple post-leplésien et qui reprend en partie la monographie, mais qui la transforme parce que, selon lui, le problème essentiel, c'est la question de l'échantillonnage et de la représentativité de cet échantillonnage. Donc, il va inventer la monographie de métier ou la monographie de marché. De marché, voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par là ? Enfin, qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors, c'est-à-dire qu'il ne va pas étudier plus seulement le métayer du confolantais comme il avait fait pour les études leplésiennes. Cette fois-ci, quand il va étudier, par exemple, le jouet à Paris, l'industrie du jouet à Paris, il va étudier toutes les entreprises qui travaillent le jouet, et il prétend visiter tous les ouvriers qui travaillent sur le jouet à Paris, par exemple. Et donc, de la pratique à la théorie, eh bien, il n'y a qu'un pas. Pierre Dumas-Roussem, Les enquêtes, théorie et pratique, un texte de 1900 qui nous est lu par Nathalie Canoui. Est-il nécessaire d'affirmer que l'enquête ne peut se passer de la statistique ? La monographie, enquête sur un seul point, ramène les éléments constitutifs du sous-sol. Mais où a été choisi le point exploré en profondeur ? Dans toutes sortes de descriptions de la moyenne et petite industrie, bâtiments, meubles, jouets, vêtements, l'observateur se sent désemparé par l'absence de statistiques sur le nombre des ateliers et effectifs utilisés. On a dit, pour exprimer cette indissolubilité de deux procédés également nécessaires, que la statistique était la monographie d'un État, groupe réuni par la contrainte publique, et que la monographie la plus réduite, celle de l'agrégat familial, était celle de la statistique d'une famille. Nous préférons dire que la statistique est le travail d'arpenteur et que l'enquête monographique est le coup de sonde. Au point de vue social, comme au point de vue matériel, l'homme est forcé de recourir à ces deux outils pour achever la conquête de la terre. L'enquête monographique rappelle la monographie de Le Play. Elle en est sortie et ne renie pas son origine. Mais entre le procédé de 1833 et celui de 1899, des différences profondes ont surgi que l'examen de l'initiative du célèbre sociologue va permettre de placer sous leur vrai jour. Un extrait extrait de Les enquêtes, théorie et pratique, un texte de 1900 signé Pierre Dumas-Roussel, Séverine Attard. Et c'est intéressant d'entendre que pour Pierre Dumas-Roussel, alors on n'a pas dit, il est issu lui aussi, c'est le libéralisme économique, issu du catholicisme social, mais bon, le Plaisien, issu les cours de l'école de Le Plais, entre guillemets. Et puis, il va, parmi ses voyages, etc., ses visites d'entreprise, il décide de se faire arpenteur, enquêteur, journaliste. Il présente un petit peu le visage de l'enquêteur, du spécialiste de cette nouvelle information sociale. Voilà. Alors, l'enquêteur, pour lui, doit être un chartiste doublé d'un détective et d'un reporter. Alors, il n'enquête pas tout seul, bien sûr. Comme il enseigne à la faculté de droit de Paris, il entraîne deux, trois de ses étudiants dans son équipe. Et il a l'art aussi d'accommoder les restes, parce que il a utilisé ses enquêtes pour les Le Plaisiens, pour l'Office du Travail, et puis les enquêtes de l'Office du Travail pour sa propre petite entreprise ensuite d'édition. Et puis, il va enquêter sur une usine dont il est l'un des actionnaires, ou bien il va enquêter chez les métayers qui sont les métayers de sa femme. Il y a parfois des conflits d'intérêts chez Dumas Roussel. Et donc, ce personnage, d'une certaine façon, a une influence. Il est moins connu que Le Plais. Il a une influence peut-être aussi théorique, c'est-à-dire sur la façon dont on va désormais envisager ces enquêtes sociales. Absolument. Au sein de l'Office du Travail, dont il n'est qu'un délégué, c'est-à-dire lié au service extérieur, c'est-à-dire au service des enquêtes, il apporte vraiment un savoir-faire, une méthode, une théorie de cette enquête. Et ce type d'enquête coexiste avec d'autres types d'enquêtes avec des statistiques au sein de l'Office du Travail. Donc il y a... il fait école, en quelque sorte. Quel rapport entre ce type d'école, d'une certaine façon, Antoine Savoie, et puis ce que annonçait tout à l'heure dans notre chronologie Séverine Attard, c'est-à-dire la naissance de la sociologie française et de l'école durkheimienne? Alors, précisément, Pierre Dumas-Roussel représente bien la tension qui existe entre une science sociale leplésienne, assumé par un continuateur comme Dumas-Roussel, et la sociologie issue de Durkheim, parce que l'ouvrage Les enquêtes, dont on vient d'entendre un extrait, fait l'objet d'une critique virulente de François Simian, qui va être un des représentants majeurs de la sociologie dite durkheimienne dès cette époque et surtout après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il reproche à Dumas-Roussel, Simian? Il lui reproche son peu de sérieux épistémologique et théorique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il s'incline devant ses qualités d'homme de terrain, bien qu'il ne souligne pas quand même ses qualités. Il se contente de ne pas en parler, c'est une technique. mais par contre, en ce qui concerne la théorie, il trouve ça extrêmement faible. Isabelle Espinel. Il lui reproche surtout d'être un homme du passé, c'est-à-dire un homme qui ignore finalement la grande industrie. Or, Simian est bibliothécaire à l'Office du Travail, donc il se rencontre, mais Simian ne participe pas aux enquêtes. Mais enfin, c'est un tout petit monde. Ils sont 30 personnes, donc forcément, ils se rencontrent. Et lui, Simian, étudie les ouvriers via les salaires, en faisant des statistiques. Il lui reproche aussi de ne pas être socialiste et projet milieu socialiste, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, on est dans la grande bagarre. Il est passéiste, pardon. Dans cette grande bagarre de la fin du 19e siècle, effectivement, où, en particulier dans certains secteurs de l'administration, eh bien, les socialistes qui ont été quelquefois réticents à y entrer, tentent d'y pénétrer. Un extrait d'une enquête de l'Office du Travail sur le travail à domicile dans la lingerie, qui date de 1907, nous est lu par Nathalie Canoui. Cette ouvrière, robuste femme de 52 ans, a toujours exercé la profession de lingère. Depuis plusieurs années, elle fait pour le magasin central de l'assistance publique diverses pièces, et plus spécialement des chemises d'enfants, en toile de fil et en toile de coton. Ces chemises lui sont données coupées. Elle les livre complètement terminées, partie à la main, partie à la machine. Leur prix varie selon l'âge, 9 mois à 15 ans, de 20 à 60 centimes pièce. L'ouvrière travaille régulièrement 9 heures par jour. Elle chôme une quinzaine par trimestre pour cause d'inventaire. Son salaire annuel, pour 250 jours environ de travail, s'élève à 300 francs, sur lesquels elle doit déduire 23 francs pour le fil, les aiguilles et l'outillage. Cette ouvrière n'a pas de dépenses spéciales d'éclairage pour son travail. La lampe de ménage suffit à ses courtes veillées d'hiver. Il lui reste 277 francs, soit un gain journalier de 1 franc 108 ou 0 franc 123 de l'heure. Son mari, cocher livreur, a perdu il y a 2 ans la place qu'il occupait depuis 20 ans, par suite de la substitution de la traction mécanique à la traction animale. De ce chef, son gain est tombé de 2040 francs à 900 francs par an. Le ménage a un fils, homme de peine qui est payé 45 centimes l'heure et employé toute l'année. Avec ses heures supplémentaires, il gagne environ 1470 francs par an. Cette famille occupe le premier étage d'un pavillon situé dans la grande cour d'une maison ouvrière du quartier de la gare. Son logement, d'un loyer annuel de 300 francs, se compose de 2 pièces, d'une entrée et d'une cuisine. La pièce qui sert d'atelier est d'une dimension assez restreinte. Elle est éclairée par 2 grandes fenêtres et garnie d'un mobilier ordinaire, dont un lit pliant. Le logement est tenu très proprement. Un commentaire de ce texte, une enquête de l'Office du Travail sur le travail à domicile dans la lingerie en 1907, Isabelle Lespinet-Moret. Alors c'est une enquête qui est particulièrement syncrétique hein, sur les méthodes de travail entre les postes leplésiens et puis les durkheimiens. Alors c'est une enquête qui concerne quand même 2300 personnes qui ont été visitées, avec qui mobilise 19 enquêteurs. Et parmi ces 19 enquêteurs, il y a des gens qui font qui seront connus ensuite, hein, comme les frères Alfassa, par exemple. Et puis, c'est une enquête qui emploie, enfin pour les enquêteurs, des enquêteurs et des enquêtrices. Et ça, c'est un peu une première pour l'Office du Travail. Alors, ça part du principe, comme pour les inspectrices du travail, que seules les femmes peuvent aller vraiment au cœur du travail féminin, d'une part. Mais c'est aussi lié à une certaine ouverture hein, sur l'emploi des femmes dans l'administration qui se fait à peu près de façon concomitante. Alors, cette enquête... Elle reprend des credos hein, de l'enquête leplésienne, c'est-à-dire qu'on a le budget à chaque fois. Il y a des appréciations morales ou sur le physique, hein, elle est d'aspect robuste. On sait qu'elle a des enfants qui sont chétifs. Le logement est propre. Le logement est propre. Le mari est ivrogne ou est ou est un travailleur. Enfin voilà, il y a toutes ces données-là, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur le geste du travail, sur l'approvisionnement, sur l'autonomie dans le travail, sur les relations avec les syndicats, etc. Mais qui, parce que là, c'est l'Office du Travail hein, qui commande ces enquêtes, mais qui c'est uniquement financé justement par via le ministère du Commerce, ou est-ce que les entreprises elles-mêmes, enfin les fabriques, sont intéressées de savoir qui travaille, par exemple, qui sont leurs employés, leurs ouvriers? Alors non, l'enquête vient vraiment du ministère. De l'État, donc. De l'État, et c'est une commande qui vient du ministère parce qu'on pense à réformer la question du travail à domicile. Hein, il y aura une loi qui date de 1913, et là, contrairement à la loi Guizot de tout à l'heure, on enquête avant. Hein, et donc, on enquête à domicile, sur le travail à domicile, dans la fleur artificielle, dans la lingerie, dans la chaussure, c'est-à-dire dans les 3 secteurs les plus importants. Et cette enquête est uniquement financée par le ministère du Commerce. Parce qu'il y a cette idée que le travail à domicile empêche une vie familiale, par exemple, la bonne éducation des enfants. Non, c'est la question des salaires extrêmement, extrêmement bas qui pose problème. On a l'impression, Antoine Savoie, qu'après une sorte de pénurie des courages de ceux qui se lancent dans les enquêtes dans les années 1830, ils sont très peu nombreux, on arrive en ce début de XXe siècle à une sorte de prolifération, parce que tout compte fait, la grande presse va aussi lancer des enquêtes, ce sera le début de la carrière d'un Albert Londres, par exemple, ou le début de la carrière aux États-Unis d'un Jack London, des gens qui, d'une certaine façon, vont aussi, par militantisme ou par intérêt pour le social, se lancer dans des grandes enquêtes journalistiques, pourrait-on dire. Il y a une sorte de multiplication du regard sur la société dans cette période des années 1880. 1990-1914. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les acteurs collectifs qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont mis en place dans le premier 19e siècle, sont toujours là, mais ils ont leur effort... ont été redoublés par l'apparition d'autres acteurs collectifs. Et puis, techniquement, l'enquête a progressé. Et on voit différents milieux qui s'approprient cette démarche de connaissance, ce rapport au social. On peut évoquer ici le travail de Pierre Hampe, par exemple, qui est un autodidacte qui, formé dans le cadre des universités populaires, se met aux enquêtes et finira par obtenir un emploi d'inspecteur du travail. Ah oui, donc d'autodidacte à inspecteur du travail. Un extrait de La peine des hommes, un texte de 1914 publié chez Gallimard. J'entreprends une enquête sur les coefficients corporatifs des nécessités vitales comparées au salaire. Je divise l'enquête en régions d'alimentation. Distinction importante, la compagnie de chemin de fer dont je suis administrateur a essayé de connaître sur son réseau le coût de la vie. Le questionnaire établi à Paris mentionnait les denrées alimentaires du département de la Seine. La viande de bœuf, les pommes de terre. Vous savez que le beefsteak aux pommes de terre frites est la base de l'alimentation dans l'Île-de-France. Or, un ingénieur intelligent indiqua l'inanité de la question ainsi posée dans la région de Lille, Hazebrouck, où la nourriture principale est le lard aux légumes bouillis et le pain beurré trempé dans l'infusion de chicorée. L'unification théorique de l'alimentation vicie l'enquête. À Marseille, les ouvriers mangent fréquemment des aubergines qui sont, à Arras, un mets rare. Le beurre ne peut avoir dans le Nord, où il est l'aliment principal, la même valeur de calcul que dans le Midi, où il est remplacé, même comme ingrédient, par l'huile. J'ai établi pour chaque région un questionnaire distinct. Ce travail sera illustré de cartes, une géographie de la consommation. C'est un texte littéraire de Pierre Hampe, cette peine des hommes. Ça n'est pas un compte-rendu de sa propre enquête, en l'occurrence. Pas du tout. Vous l'avez compris, c'est tout en ironie. En fait, Pierre Hampe met en scène un enquêteur qui va travailler pour le compte d'un industriel qui se paye, entre guillemets, qui se paye une enquête. Et là où la chose est savoureuse, c'est que ce type de commanditaire a véritablement existé et que peut-être que l'enquêteur que met en scène dans sa fiction, Pierre Hampe, c'est peut-être Maurice Alvax. Parce que Maurice Alvax a été... Dont on parlait lundi avec Christian Topalov. Exactement, parce que Maurice Alvax a été recruté par un grand industriel anglais, M. Rowntree, industriel de la confiserie, qui a voulu faire une enquête sur la condition ouvrière dans les différents pays européens. Et il a confié à Maurice Alvax la tâche d'enquêter sur cette condition à travers l'établissement des budgets des ouvriers. Il a confié cette tâche à Maurice Alvax pour la France. Christian disait lundi que Maurice Alvax n'avait jamais enquêté. Je n'en suis pas si sûr. En tous les cas, Pierre Hampe, lui, il c'est quelqu'un qui voit de l'intérieur. Enfin, c'est quelqu'un qui va faire... je ne sais combien de métiers, qui va énormément voyager, qui va, j'imagine, prendre des notes, rassembler de la documentation, et puis qui, après, va écrire des sortes de romans, du roman social, enfin, très exactement. Et si les enquêtes, excuse-moi Isabelle, de l'Office du Travail vous tombent un peu des mains aujourd'hui, si vous les reprenez, parce que... Elle a beaucoup de courage de les lire, en tant qu'historienne. Parce que de chiffres, que avec Pierre Hampe, il y a une vie absolument extraordinaire. Par exemple, une des premières enquêtes qu'il publie, d'ailleurs dans le cadre de l'Union pour la vérité de Paul Desjardins, c'est une enquête qu'il intitule, je crois, La marée, où il montre quel est tout le trajet que fait le poisson depuis la pêche jusqu'à l'assiette du Parisien, en montrant toutes les professions qui sont impliquées dans le poisson, je crois, arrive à Boulogne et finit par être mangé dans Paris. Toutes les professions qui sont impliquées dans ce processus, c'est absolument vivant et passionnant. Vous allez dire que je suis obsédé, mais après vous avoir parlé d'Edgar Poe tout à l'heure, je pourrais vous parler de Dashiell Hammett, le grand père de la littérature policière, qui, après avoir été enquêteur chez Pinkerton, a écrit La Moisson Rouge, qui raconte justement lui-même, de façon romancée, ce qu'est un briseur de grève dans l'industrie du début des années 20 aux États-Unis. Merci à vous, Antoine Savoie, d'être venu. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres sur Frédéric Leplay en particulier, mais que vous dirigez une revue que je ne connaissais pas, mais qu'il faut mentionner ici, Les Études Sociales, donc, qui est pourtant à son 162e numéro, donc l'année 2015, et qui est consacrée pour ce numéro à la sociologie de René Worms, un grand concurrent un peu oublié des grands sociologues de la fin du 19e siècle, en l'occurrence. De Durkheim, voilà. Le rival malheureux dans la mémoire collective des sociologues, mais grâce à ce dossier... On saura tout sur la sociologie de René Worms. C'est Les Études Sociales, donc on peut se le procurer, on le mettra sur le site de La Fabrique. Et puis on attend avec impatience votre HDR, en l'occurrence Isabelle Lespinet-Moret, qui ne saurait tarder. On espère que vous trouverez très rapidement un éditeur. Et d'ici là, on peut lire avec Vincent Vier, l'OIT, Origine, Développement et Avenir. C'est publié aux Presses Universitaires de Rennes. On se retrouve demain, Séverine. Mais oui, on se retrouve demain. Et on va se retrouver pour parler alors d'une toute autre époque. Oui, voilà, de l'époque médiévale, mais enfin, on est un peu encore dans l'optique de l'enquête diligentée par l'État pour gouverner, pour contrôler pour savoir, la population, la société. Qui sont les sujets du roi, et en particulier de Saint-Louis, mais pas simplement, voilà. De tous ces rois du Moyen-Âge qui lancent des enquêteurs sur les routes pour pouvoir mieux comprendre quelle est l'opinion ou l'état d'esprit aussi, hein. Des sujets du royaume. C'est au Moyen-Âge et on découvrira ça demain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Remercions Nathalie Canoui pour les lectures qu'elle a accomplies lors de cette émission. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Véronique Samuilov à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, aussi longtemps que vous le souhaitez, et la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et puis sachez que depuis hier, eh bien, il y a désormais un compte Twitter de la Fabrique, Fabrique FC, si vous voulez, et si vous êtes sur le réseau social, vous pouvez nous suivre sur Fabrique FC.